C'est Adam Square. Je sais. Ouais. Il compte le fric devant toi. Ouais. 200 grammes de blanche, ok. Tiens, on a 100 000. Surtout, tu prends la cam avant de filer les thunes. Ouais. D'accord ? On est d'accord. Je voudrais mon fric. Tu l'auras quand tu reviendras. Hein ? Quand tu reviendras, je te dis. Mais j'en ai besoin. Je te file vendredi. Mais j'en ai besoin. Écoute, je peux te remplacer. Ok. Tu me le donnes à mon retour, pas d'embrouille. Ouais, vendredi. Vendredi ? Fais ton boulot d'abord.